Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique en ce merveilleux 27 septembre 2012. Et oui, une grosse émission qui nous attend comme à notre habitude. On s'excuse là de commencer un peu en retard, mais nous voilà sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et en débutant, on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez aller chercher nos anciennes émissions. On en a mis 4 en ligne la semaine dernière. Allez vous régaler. De nouvelles ludiques, chroniques et entrevues avec nos différents collaborateurs. Vous pouvez aller aussi chercher des images, des podcasts qu'on a déjà faits. Vous pouvez aller aussi sur le site de CKIA FM, le CKIAFM.org, pour aller écouter l'émission en direct sur Internet et aussi pour aller chercher votre carte de membre de la station et vous renseigner sur les shows bénéfices qui s'en viennent et le radioton de CKIA FM. Et rapidement aussi, on est toujours présent sur Facebook, donc tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche Facebook et vous allez nous trouver très rapidement. Et on va commencer cette émission là en vous présentant M. Andrew Castegan qui est à la console. Bonjour Andrew. Bonjour Monsieur Michaud. Ça va bien? On essaye. À part quelques petits problèmes techniques. Et là, Andrew, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Je vais vous parler du projet Black Mesa, petit remake de Half-Life 1 fait par des fans, disponible gratuitement sur Internet, donc du goodies pour les fans de Half-Life, et des nouvelles. On va parler de nouvelles et moi, je vais faire un retour rapide là, sur le jeu Sleeping Dogs. J'y ai joué plus longtemps et je vais vous donner des nouveaux commentaires sur le jeu et on va vous parler de nouvelles, bien évidemment. Et on commence ça en musique rapidement avec le groupe CCR et la chanson Fortunate Son. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale, et on va vous parler critique de jeu avec M. Andrew Castegan. Et Andrew, tu vas nous parler, comme on a dit dans l'introduction de l'émission, du jeu Black Mesa. Et on se rappellera rapidement, pour ceux qui ne savent pas, que Black Mesa, c'est comme la méchante compagnie là, dans l'univers de Half-Life. Non, c'est pas une méchante compagnie, c'est juste le laboratoire qui se fait atrocement détruire par des extraterrestres et que tout le monde meurt dedans. C'est de leur faute. Non, c'est un accident. Donc, Black Mesa, Andrew, tu nous disais que c'est un remake, finalement, de Half-Life 1, mais conçu par les fans. Oui, en fait, c'est un groupe de modders, dans le fond, qui s'appelle le Black Mesa Modification Team. Remarquez le clin d'œil. Original. Qui a décidé, dans le fond, que Half-Life, ça fait longtemps que c'est sorti, là, t'sais, je me rappelle pas exactement les années, mais t'sais, ça fait quand même très longtemps. Et il y a eu Half-Life 2 qui est sorti avec le nouveau Source Engine, dans le fond le moteur graphique et physique de Half-Life, qui avait rajouté des choses intéressantes au niveau du jeu, t'sais, la manipulation d'objets, de la physique, les impacts, les réactions. T'sais, on pouvait lancer des objets, puis les ennemis intelligents pouvaient être ainsi leurrés, puis on pouvait se faire des chemins. Et ça, c'était un gros manque qu'il y avait dans Half-Life 1 par principe de limitation technologique. À l'époque, oui, effectivement. Half-Life 1, quand ça a sorti, ça a révolutionné le monde, là, en fait, du first-person shooter. Parce que, tu sais, c'était un jeu qui avait des événements scriptés et que ça paraissait pas. Là, on avançait, puis tous les événements étaient scriptés, c'était prévu pour agir comme ça. Sauf que la façon, c'était tellement bien orchestré que le joueur le voyait pas. On était vraiment intégré dans ce monde-là grâce à ces événements-là. Exactement. Fait que, ça avait révolutionné le monde. Et cette équipe de modeurs-là ont pris, dans le fond, l'engine graphique de Source, qui est disponible d'ailleurs gratuitement sur Steam, si vous voulez vous amuser à programmer avec ça, et ont décidé de refaire entièrement Half-Life 1 avec le nouveau Source Engine qui avait été utilisé pour Half-Life 2. Je vous dirais que c'était un projet quand même d'envergure, là. D'ailleurs, ça me fait penser 1998 pour Half-Life 1. Je disais que ça faisait un bon moment. Et dans le fond, le projet a été... Black Mesa a été lancé en 2009. Donc, on parle quand même de long... Trois ans là, depuis le début du projet. Ouais, ben t'es qu'on parle 2009 où qu'ils ont commencé vraiment à sortir du stock, t'es vraiment avoir du concret sur la table pour dire que oui, on travaille sur le projet Black Mesa, mais en fait ça fait 5 ans en réalité que le projet est en élaboration. Là, t'es si on a dans le fond ils disent 2009 parce qu'ils ont enlevé toute la portion papier. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quelque chose à savoir, c'est que le Black Mesa Modification Team, les développeurs, sont aucunement associés à Valve. Donc, eux autres, quand ils ont décidé de faire ça, il a fallu qu'ils ressortent Half-Life 1 des boulamites et qu'ils étudient de façon approfondie, dans le fond, toutes les cartes du jeu, tous les événements, tous les personnages, les voix, les textes. Par chose à savoir, eux, ils n'ont pas récupéré rien de l'ancien jeu. Ils ont fait à 100% les maps, à 100% les textures, ils ont refait le voice acting, ils ont refait la trame sonore, ils ont vraiment tout refait. De là le 5 ans de travail. Exactement, fait qu'eux autres, ils ont pris quand même un bon moment pour évaluer, pour mettre sur papier les événements, comment que ça va se passer, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le fond pour que le jeu soit fidèle, là. Et c'est depuis 2009 dans le fond qu'ils ont vraiment commencé à sortir leur stock, puis dire c'est à ça que ça ressemble le jeu, ça s'en vient et des choses comme ça. Mais en tant que tel, je vous dirais que le jeu est tombé en version jouable pour la première fois le 14 septembre. Donc, ça fait pas longtemps. Ça fait peut-être... Deux semaines. Donc, je vous dirais que j'ai eu l'occasion de jouer à ce jeu qui, au fil du temps, finit par être endossé par Valve. D'où pourquoi pouvez l'avoir gratuitement et qu'il n'y a pas de risque que Valve fasse... C'est une propriété intellectuelle à nous, enlever ce jeu immédiatement. Mais il n'y a pas de risque. Valve sont très satisfaits du produit que ces modeurs-là ont sorti. Parce qu'il faut parler, c'est un produit, là, on retrouve Half-Life 1 comme on le connaît, plus des rajouts. Est-ce qu'il y a seulement les rajouts du nouveau de l'engin source tel qu'on le connaît, ou si on a autre chose là, ils ont vraiment rajouté autre chose par rapport à Half-Life 1, à part les ajouts de l'engin là. Ben en fait, ils ont enlevé et mis des choses. Il y a un chapitre dans Half-Life que je veux pas trop donner de détails si vous avez jamais joué à la série, parce que je vous dirais, si vous avez jamais joué au 1, c'est l'occasion de l'essayer. Je vous dirais que il y a un segment à un moment donné où parce que Half-Life, chose à savoir, c'est qu'il y a des aliens qui débarquent, puis à un moment donné, il y a un bout dans Half-Life où vous allez sur la planète de ces extraterrestres là. Et dans Black Mesa, les modeurs ont décidé d'enlever ce segment-là. On se rend là, mais vous... Ok, la storyline en tant que telle même est modifiée. Là. Oui, un petit okay. peu. Parce que je vous dirais que à avoir joué à l'original, c'est pas le bout le plus passionnant, dans le fond, que dans Half-Life 1. Et les modeurs ont décidé tout simplement, ben, on va enlever cette section de gameplay-là. On va dire qu'est-ce qui se passe. Mais on laissera pas le joueur le jouer, parce que... Eux autres, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au point de vue texture aussi, c'est un segment qui était très, très compliqué à faire. Puis ça, en même temps, c'est que le Source Engine de Half-Life 2 n'était pas prévu pour des scènes dans l'espace. Fait qu'il aurait fallu tout qu'ils refassent la physique, puis tout ça. Puis là, c'était rendu trop d'envergure. Fait que là, eux autres, ils ont fait, non, regarde, on va arrêter ça là. On va le dire, qu'est-ce qui se passe. Anyway, les joueurs, c'est pas un segment important, mais ils ont compensé d'autres zones, dans le fond, dans le laboratoire Black Mesa, que dans Half-Life 1, original, on n'avait pas accès. Parce que, dans le fond, on n'était pas capable de lever des objets, ou encore le scriptage avec les NPC, dans le fond, les personnages non-joueurs du jeu, n'était pas encore assez élaboré. Juste un exemple, il y a une scène dans Half-Life 1 où, à un moment donné, il y a un garde qui se fait attaquer par un genre de zombie avec le crabe sur la tête. Et dans Half-Life 1, on n'était pas capable de tirer à travers les grillages. On voyait à travers le grillage, mais si on avait un pistolet et on tirait, l'engine ne comprenait pas que des balles pouvaient passer à travers un grillage. Fait que c'est sûr que le gardien se faisait tuer. Tandis que dans Black Mesa, dans l'engine du Half-Life 2, les grillages, on peut tirer à travers. Fait qu'on peut tuer ce zombie-là. Et le garde peut nous remercier en ouvrant la grille, puis en nous permettant d'aller chercher des armes. Et le garde nous suit pour nous aider pendant un certain moment, jusqu'à temps qu'il soit plus capable de continuer de nous suivre ou qu'il meure, bien sûr. Mais tu sais, c'est tous des petits ajouts qu'on fait qui permettent d'aller voir des zones dans le Black Mesa qu'on pouvait pas. Donc moi, je trouve que c'est quand même un bon ajout. Il rajoute quelques zones qu'on aurait peut-être voulu explorer dans un qui était pas possible. Donc je dirais que c'est un bien pour un mal au niveau là, de Half-Life. Mais moi, personnellement, ça m'a pas dérangé qu'il enlève cet arc-là dans l'histoire. Mais parce que pour le gameplay en tant que tel, ça reste relativement la même chose. Ça reste relativement la même chose. Je vous dirais, si vous êtes des habitués de la série de Half-Life, vous ne serez pas dépaysés. La seule chose que je vous dirais, que moi, ça m'a tapé sur les nerfs, et je dirais que je suis pas tout seul, mais c'est loin de faire l'unanimité, c'est qu'ils ont nivelé la puissance de la crowbar vers le bas. La fameuse crowbar, le pied de biche, là, quand on joue en multiplayer, on entendait ding, ding, ding, quand le monde tapait sur les murs de métal. Mais en fait, la fameuse crowbar qui fait en sorte que Gordon Freeman est considéré l'équivalent de Chuck Norris en frais de puissance. En fait, c'est pas compliqué. À part que normalement, il n'y a pas autant de reach, dans le fond, de portée, qu'un gun. C'est une des armes les plus fortes du jeu de Half-Life. Normalement, vous pouvez tuer n'importe quoi pas mal en deux ou trois coups maximum avec les crowbars, autant dans Half-Life 1 original qu'en Half-Life 2. Et puis en même temps, la portée est courte, mais quand même raisonnable. T'sais, on est capable de rester, pour les monstres en corps à corps, on est capable de garder une distance sécuritaire où nous, on le touche avec la crowbar, mais lui, il ne nous touche pas. Mais dans Black Mesa, ils ont réduit cette portée-là, en sorte que, exemple, il y a des genres de monstres qui s'accrochent au plafond, qui s'appellent des barnacles. Je connais juste le nom en français, mais qui ont une langue. Puis quand on se fait accrocher, on se fait grimper, puis ils nous mordent, puis ça fait quand même très mal. Dans Half-Life 1 et 2, si on se fait pogner, puis ils nous montent, il y a un moment avec la crowbar où on a un bref instant, on peut donner un coup et le tuer du coup. Et on tombe. Dans Black Mesa, ça prend trois coups pour tuer un barnac, et on est obligé d'être à portée de morsure pour qu'on soit capable de te toucher. Donc, pas très pratique. Cette stratégie-là ne marche plus. Et c'est pareil pour les zombies. Normalement, les zombies, deux coups de crowbar sur la tête, on n'en parle plus. Tandis que dans Black Mesa, ça peut aller jusqu'à 6 ou 7 coups de crowbar sur la tête pour avant qu'on soit capable de tuer le zombie. Fait que ça rajoute un niveau de difficulté, mais On vient toucher un peu un côté mythique de Dark Flight. C'est là. Ça. Moi, personnellement, ça touche un peu ma corde sensible, du style. Ben là, c'est la mythique crowbar de Gordon Freeman. Et je sais que certains endroits sur les forums, ben, j'ai fait des recherches hier pour le fun, savoir si j'étais tout seul à avoir cette impression-là. Et le Black Mesa Modification Team ont tout simplement parlé que ils ont fait ça volontairement, parce que la crowbar dans Half-Life 2 est vraiment très très forte. Ils se sont dit, ben Gordon Freeman, il vient de ramasser une crowbar, parce que je cherche, il n'y a pas d'école martiale qui t'explique comment te battre avec une crowbar. Fait qu'eux autres, ils disent qu'ils ont nivelé ça pour un peu dire... plus de réalisme dans la fiction. C'est ça, dans le fond, eux autres, ils ont nivelé ça vers le bas en disant Gordon vient de ramasser sa crowbar, il sait pas trop trop comment se battre avec, fait que c'est pour ça qu'il y a moins de reach, fait moins mal, puis c'est pour ça que dans le 2, il est tout plein puissant avec sa crowbar, parce qu'il a tué des aliens tout plein avec, fait que c'est un peu comme ça qu'on expliquait ça. Mais bon. Certains sont satisfaits. Moi, personnellement, je me dis non, c'est une crowbar. C'était la façon la plus simple d'économiser des balles dans Half-Life, parce que normalement, des balles, ça court pas tous les coins de rue. Mais ils ont compensé en mettant plus de balles. Ah, ben au moins. Parce qu'ils se sont dit qu'un laboratoire qui a juste un chargeur par étage, c'est pas vraiment réaliste. Dans ce genre de laboratoire-là, on va dire. Là, parce c'est que... ça. Parce que c'est un laboratoire ultra secret à haute sécurité. Puis en plus, faut pas oublier qu'il y a des militaires qui débarquent un moment donné. Puis eux autres, ils emmènent leurs balles. Fait que... Donc toi, finalement, Andrew, là, tu recommandes ça à tous les fans de la série Half-Life, si je comprends bien. Ben, tous les fans de la série Half-Life devraient essayer Black Mesa. T'es, si au pire aller, ils n'aiment pas, au moins l'essayer. Pour avoir juste, exemple, la scène mythique du début du jeu, du tramway, parce qu'au début, on est dans un tramway, puis ils nous font faire un tour de Black Mesa. Juste le principe de voir ça avec le moteur graphique de Half-Life 2, ça fait une petite larme là, de nostalgie. En se disant, mon Dieu, à l'époque, c'était atrocement laid. Atrocement carré. Et là, c'est pas extrêmement beau, mais c'est regardable. Effectivement. Fait que c'est quand même très bien. Je vous dirais aussi en même temps, pour toute personne qui n'ont pas connu Half-Life 1, parce qu'il faut pas oublier, c'est un jeu qui date de 1998, et Half-Life 2 est quand même sorti 2005-2006, je pense. Bref, tu sais, c'est il y a beaucoup de monde qui ont connu Half-Life 2 mais qui ont jamais joué au 1, puis ils ont jamais voulu y jouer parce que du monde font leur gueule fine sur le graphique. Fait que je vous dirais que c'est même pour les nouveaux là, ça vaut la peine de pouvoir jouer ce jeu-là et savoir dans le fond les origines de Gordon Freeman, c'est qui ce dude-là et pourquoi qu'il est l'équivalent de Chuck Norris. Et je vous dirais, c'est pas des farces. Alors, merci beaucoup, Andrew, de cette critique du jeu Black Mesa. On peut aller chercher ça où sur Internet? On rappelle que c'est gratuit, d'ailleurs. Là. En fait, il faut que... C'est un peu compliqué. Il faut suivre des instructions sur le site. C'est qu'il faut, à partir de Steam, chercher le Source SDK 2007, qui est le engine, dans le fond, de Half-Life 2. Et suite à ça, il faut aller sur le site Black Mesa. Dans le fond, vous faites Black Mesa sur Google. C'est le premier site qui sort. Puis dans le fond, vous allez pouvoir downloader trois fichiers, un .exe, un MD5 et un autre que je ne me rappelle plus c'est quoi, mais bref, trois fichiers à télécharger. Mais les instructions sont claires. Oui, oui, c'est clair. Le plus compliqué que vous allez avoir, c'est de downloader le SDK Source 2007, parce que je l'ai cherché. Il faut aller comme dans le store, il y a un onglet, il faut choisir tous, bref, c'est pas très intuitif, mais vous avez les instructions sur le site, vous n'aurez pas de problème. Au pire, allez... Googlez-le, vous allez tomber sur le wiki de source et vous allez avoir un lien direct download. Excellent. Que vous allez pouvoir vous arranger. Merci beaucoup, Andrew Castegan, pour cette critique et ses instructions. Et on va continuer en musique avec une chanson rétro, un succès souvenir qui s'appelle Rahan, l'enfant des âges farouches. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour un retour rapide sur le jeu Sleeping Dogs. On en a parlé il y a quelques semaines lors de notre dernier spécial 2 heures. C'est moi qui vous en avais parlé avec Andrew. Là. Parce que t'avais plus joué que moi. Ouais, un peu. La version PC. Écoutez, moi j'ai terminé le jeu entre-temps et je voudrais faire un retour déçu. Je vous dirais, je sais que ma première impression était quand même assez dithyrambique. Je voudrais réitérer le fait que l'action, le système de combat et l'action est malade dans ce jeu-là. Moi, je trouve que c'est vraiment des scènes d'action incroyables, surtout pour les poursuites en auto. Je sais pas, Andrew, on en avait parlé. Mon ordinateur laguait trop. Moi, ça allait super bien. Les fusillades qu'on peut faire pendant les poursuites. On peut sauter d'un char à l'autre. Là, c'est vraiment là, très poussé. On s'entend que c'est un jeu vidéo et c'est vraiment basé style action, film d'action. Là. Mais un graphique impeccable, très beau, des très beaux détails. Quand même une histoire intéressante, mais là le problème qui arrive finalement, c'est que je trouve qu'il manque encore de viande autour de là. Écoutez, j'ai passé le jeu, ça a quand même été assez rapide. Il y a toujours le fait qu'il y a plein de petits challenges qu'on peut réaliser, des courses de rue, c'est vraiment ça, c'est le fun à faire, mais on se tanne rapidement. Des petites missions, on va aider des gens là, parce qu'on se rappelle de Sleeping Dogs là où on joue finalement un agent double là, qui infiltre les triades. Et finalement, qui essaie de faire arrêter les Sononiers, finalement, qui est la triade à Hong Kong, puis qui fait son petit bout de chemin, qui fait des missions pour la police, des missions pour les triades, ça va comme ça jusqu'à la fin du jeu. J'ai été un peu déçu, la fin est intéressante, très prévisible, mais intéressante. Je trouve qu'il manque beaucoup il manque de longévité à ce jeu-là. Évidemment, le monde va dire « Ouais, mais il y a des DLC qui s'en viennent », mais c'est ça le problème. Je trouve que pour le 60$ qu'on va payer, je trouve qu'il nous manque un peu de viande autour de l'os. J'ai été un peu déçu. Par contre, il y a quand même des DLC qui s'en viennent, des packages là de Street Racer. Il y en a un de SWAT Team, puis un autre de genre de militaire urbain là. Ça va tout se ressembler un peu, là, les deux derniers. Donc, des nouvelles armes, des nouveaux costumes, des nouvelles voitures. Ça, c'est intéressant là pour les maniaques, justement, d'auto. Il y a vraiment beaucoup de modèles qu'on peut s'acheter. Juste se promener en ville, là, puis ce qui est intéressant, c'est que pour la radio, vous pouvez choisir quand même des tunes intéressantes. Il y a même un canal de radio qui est le Roadrunner Records Radio. Pour ceux qui connaissent un peu le label... de disques, là, les autres sont très axés métal. Donc, vous allez vous écouter des groupes que vous connaissez. Le côté métal, c'est ce que je connaissais le plus. Il y a aussi un post-classique. On peut entendre des grands classiques de Beethoven, Mozart et autres grands compositeurs. Ça, c'est intéressant. Donc, des nouveaux modèles d'auto. C'est le fun de se promener un peu en ville. Je trouve que le monde est pas assez gros. C'est sûr, quand on parle d'un monde ouvert, disons, à la Skyrim, on a un peu plus de possibilités dans le sens où c'est pas un environnement urbain, donc on n'est pas un peu encadré par les routes, les édifices, disons qu'il fallait, on peut pas se promener vraiment partout. C'est pas accessible tout le temps, donc ça je trouvais ça un peu tannant de toujours essayer de chercher son chemin pour se rendre. Il y a quand même un bon système de GPS, si on veut dire, là, qui nous trace le chemin sur la minimap sans problème à ce moment-là. Mais disons qu'on est à pied, on veut se rendre à un endroit, mais il n'y a pas beaucoup de ruelles, faut vraiment passer par les grandes rues, avec l'auto et tout. En tout cas, bref, je trouve que pour un monde ouvert, manquait un peu de grosseur côté superficie et manquait un peu de facilité là, de voyagement, à part si vous aviez un auto. Puis même avec des véhicules très rapides, là, on se tente à un moment donné, bon, ben faut que j'aille au point B, de A à B. Prends l'autoroute, on se promène. Pis... peut-être un petit manque de random event dans ouais, les points. Tout à fait. Ça, c'est un gros problème du jeu. Il n'y a pas de random event. Il y a des points, on va aller aider du monde, de nos chums d'intriade, pour les aider à pogner notre gang ou à faire un méfait. Mais il n'y a pas de random. On peut pas débarquer puis demander le tiroir caisse d'un commerce. La plupart des commerces où on peut rentrer, ben tu sais, dans le fond, il y a la petite touche Grand Theft Auto qui manque là. Tout à fait là, ce qui serait t'sais, très comme Grand Theft Auto, le monde est vivant là, t'sais, peut-être pas à 100%, mais t'sais, on peut se promener dans une ruelle, puis à un moment donné, il y a une fusillade, puis il y a quelqu'un qui sauve en courant là, t'sais. C'est ça, nous c'est nous qui va starter l'action, il y a jamais personne. Il y a des petites gangs, on peut se battre contre des gangs de rue de même. Il y a personne qui va nous provoquer si on se rapproche pas d'eux. Ça se bat pas entre eux autres. Il y a pas d'altercation entre la police puis les gangs non plus. Il faut vraiment partir tout ça. Puis je veux dire, pour les disons, les commerces, on peut taper sur n'importe qui si on veut. Là. Si on est de l'école, on se promène, on tire sur du monde. Ça, c'est une autre affaire où ce que je trouve un peu niaiseux. Là. On peut pas garder de gun. En tout cas, je sais pas si c'est ma version, là, mais moi, j'avais mon gun, je savais, je revenais, et non, j'avais plus mon gun. Quand on en ramasse, on peut pas les traîner sur nous. Donc, disons, c'est correct, là, on peut le traîner sur nous si c'est un pistolet. Mais si on a une arme automatique, un shotgun, quelque chose du genre, ben si on le drop, on peut pas le traîner sur nous, là. Il n'y a pas la poche de pantalon magique. Non, c'est ça. On peut pas avoir ces guns-là tout le temps, ce qui est correct dans un sens, mais tu sais, on n'a pas de moyen finalement d'aller s'acheter un fusil puis de tout le temps le garder sur nous autres. Ce qui est bien pratique des fois, je vous dirais. Là, mais c'est beaucoup axé sur le combat rapproché. Et je rappelle que Georges Saint-Pierre, là, donc ancien champion UFC, là, qui fait son retour d'ailleurs dans pas long à Montréal, là, ratez pas ça, a été consultant pour tout ce qui est scènes de combat rapproché. Moi, j'adore ça. Là. C'est vraiment un des gros points forts du jeu. Donc, je sens qu'ils ont axé beaucoup là-dessus parce que les combats, tu sais, des fusillades, il n'y en a pas tant que ça à laquelle on va participer. Mais bon, il y a des DLC qui s'en viennent, qui vont rajouter des missions aussi là au triade, au storyline triade et au storyline policier. Ça s'en vient. Mais bref, pour le moment, je trouve que peut-être attendre qu'ils sortent comme un package deal avec plein de DLC. Parce que l'achat initial, après y avoir joué, j'ai été déçu là qu'il manque autant de viande autour de l'os là, surtout pour ce genre de jeu là qui se dit open world, donc monde ouvert avec un style à la Grand Theft Auto. Il manque beaucoup d'éléments pour que ça soit aussi intéressant. Un jeu selon moi beaucoup trop linéaire pour le moment. Tu vas peut-être te satisfaire avec Grand Theft Auto 5. Qui sait, j'ai hâte de voir, mais le problème avec Rockstar souvent, c'est con, parce qu'habituellement, moi, les graphiques, c'est pas ça qui fait que j'aime un jeu, mais après ce que j'ai vu, justement, dans Sleeping Dogs, puis Rockstar, on sait que c'est habituellement pas leur force, à part qu'on a vu dans L.A. Noir, on avait quelque chose de solide. Ouais, mais le trailer de Grand Theft Auto 5 a quand même montré que l'engine graphique, il y avait de l'air d'en avoir. Ouais, j'ai hâte de voir si Rockstar va être au rendez-vous, mais c'est sûr que... Ou ça, en même temps, Rockstar, le monde a l'air d'oublier ça. Tant qu'à parler du sujet, regardez la grosseur de la map. Ouais. Regardez tout ce qui peut se passer dans cette map-là. Ça demande du jus, là. Ça demande du jus. T'sais. C'est pas pour rien que Grand Theft Auto, même le 4, là, c'était rough sur les machines. Là. T'sais, mettons que vous l'aviez sur PC. Là. Mais même sur console, là, c'est fréquent que des jeux de Grand Theft Auto crashent ou tout ça sur les machines parce que. C'est trop demandant. Raide. Hein, ouais. C'est raide. Rockstar, ils ont bien beau dire oh, on va faire un nouvel engine graphique, on va mettre ça tout beau, tout plein. C'est à cause des autres, ils essayent de prôner l'équilibre entre le graphique, la grosseur du monde. Mais ils ont des jeux assez complets, puis avec tout ce qu'il faut autour. Là. Oh oui, on fait juste penser à Red Dead Redemption, qu'il y a du monde qui a acheté ce jeu-là juste pour jouer au poker. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des aspects intéressants dans ce jeu-là. On peut faire du karaoké dans Sleeping Dogs, mais le système est vraiment... C'est juste bouger des flèches sur la bonne trame. Yakuza est meilleur au niveau du karaoké? Ah, je me rappelle... Non, je l'ai pas testé quand j'ai joué à Yakuza. T'as pas joué? Non. Ah. Mais bon, voilà, c'était mon retour rapide sur Sleeping Dogs de Square Enix. Mais écoutez, c'est un bon jeu quand même, mais peut-être attendre que les DLC sortent, là, qu'ils sortent un package deal, un spécial. Là. Je vais me permettre de dire, damn you, DLC! Oh oui! Why do you exist? Effectivement. Glory to the expansion pack. Parce qu'effectivement, souvent, c'est des éléments qui auraient pu très bien se retrouver dans le jeu original. On s'ennuie effectivement des vrais expansion packs, comme on parlait il y a une couple de semaines, là, de la gang de CD Projekt Red là, qui avait fait une sortie là-dessus. Mais bon, voilà, c'était mon retour et on va continuer avec une musique très très lourde. Je sais qu'on vous habitue à de la musique métal à puissance maximale, mais là, on y va vraiment dans les coins les plus sombres avec le groupe Dimmu Borgir, qui est un groupe de black metal de scandinave, un de mes groupes préférés. Et ça me tentait de vous faire entendre ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec, et la chanson s'appelle Spellbound. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale et on y va avoir une nouvelle ludique avec une super nouvelle. Moi, là, j'ai bien hâte de voir ça. Un jeu qui a été annoncé par le studio NetherRealms et pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui nous ont amené la dernière version, mais en fait, les originaux, là, créateurs de Mortal Kombat, jeu qu'on avait encensé à l'émission à l'époque quand c'était sorti, un très bon jeu de combat, assez solide. Et là, ils nous sortent un jeu qui s'appelle Injustice Gods Among Us. Et Andrew, c'est un jeu... Ça, habituellement, je trippe pas à cause du manque de balance entre les personnages, mais c'est un jeu de combat entre super-héros de DC. Oui, en fait, certains vont dire « Ah non, pas encore Mortal Kombat versus DC. » Ouais, on se rappelle qu'il avait fait ça, là, mais... Un Mortal Kombat classé teen, le monde en fait... Mais bref, NetherRealm ont décidé de faire un pacte avec DC et de sortir un jeu de combat propre à DC. Et je vous dirais, j'ai vu des cinématiques et... Ça va être malade. Brutal. Imaginez toute la violence, la brutalité de Mortal Kombat, parce que oui, je vous annonce qu'il va y avoir du sang, parce qu'à date, le jeu est temporairement... catégorisé 16 ans, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il monte à mature aux États-Unis. Mais bref, il va avoir du sang, il va avoir de la violence. Mais il n'y aura pas de fatality. Non, parce que NetherRealm ont été clairs avec ça. Ils ont dit, écoutez, oui, on est les créateurs de Mortal Kombat, oui, on sort un jeu avec DC, mais non, ce n'est pas Mortal Kombat avec Superman et Batman. Il n'y aura pas de décapitation, ça se rendra pas à ce point-là. Mais il va y avoir des ecchymoses, il va y avoir des dents qui vont se péter, il va y avoir des costumes qui vont se déchirer, il va y avoir du sang, de la coupure. Puis, qu'est-ce que les autres ont voulu mettre l'emphase, c'est que, juste pour vous donner une idée, dans les anciens Mortal Kombat, il y avait certaines arènes, quand Monaco vous faisait un uppercut sur votre... Ennemi, merci, Michaud. Il pouvait tomber en bas de l'arène, et là, vous tombiez dans un nouvel environnement de combat. Ça n'a jamais été vraiment très exploité dans Mortal Kombat, parce que généralement, il fallait faire des combos bien particuliers pour que ça se fasse. Ça ne changeait pas grand-chose au combat de tomber dans un autre arène. Exactement, ça faisait pas plus de dégâts ou quoi que ce soit. Généralement, ça faisait juste en sorte qu'il y avait un fatality spécial, dans le fond, dans ce segment-là de l'arène. Tandis que dans Injustice, ils veulent vraiment exploiter le décor. Tellement dans le cas où vous êtes Superman, vous allez pouvoir pogner en volant l'autre personnage, traverser trois buildings dans la ville, puis vous rendre genre à l'autre bout de la ville pour vous péter sa gueule. Mais puis, ça c'est des trucs qu'il faut comprendre, c'est un jeu, là, t'sais, on dirait bon ben là, Superman dans la gang, il pète tout le monde, là. Mais il y a quand même Wonder Woman, puis d'ailleurs, Andrew, on a regardé ça rapidement, il y a une Collector Edition qui est annoncée. Je suis pas un fan de Collector Edition, mais celle-là, là, où que ça me tente de l'acheter? Oui, en fait, NetherRealm ont sorti les détails de l'édition collectionneur. Premièrement, comme beaucoup de collections d'éditions collectionneurs, le boîtier va être en métal. Je vous dirais, moi, personnellement... J'aime bien ça. Mais tu sais, d'un côté, vous allez avoir Batman avec sa nouvelle armure designée pour ce jeu-là, qui a vraiment de la gueule. Ça ressemble un peu à ce qui se fait dans les derniers films de Christopher Nolan. Exactement, mais je vous dirais... quasiment un petit peu plus armure. Oh, hein. T'es encore plus blindé un peu. Là. Et de l'autre côté, vous avez Wonder Woman. Mais t'es vraiment... là. Allez voir l'image, là, cherchez ça sur Internet, là, ça vaut la peine. C'est vraiment une belle statuette. Là. Exactement. Puis en même temps, vous allez avoir trois DLC exclusifs. On n'a pas assez de Nerville-Poel. C'est genre trois costumes. Un petit costume différent pour Superman, un costume différent pour Batman et un autre pour Wonder Woman. Ils n'ont pas montré les armures. Ils ont mis les cartes là, juste pour faire leur agace avec de l'ombrage. Vous allez avoir un comic book exclusif à l'édition collectionneur montrant deux histoires d'une nouvelle série de DC. Oh yeah! Juste pour vous dire, je sais pas si ça va être vraiment ça à couverture ou s'ils veulent juste pas nous en parler, mais il y a pas mal tous les logos de DC sur la couverture du comic. Fait que je sais pas si... Peut-être une nouvelle série de Justice League, on sait pas. Qui sait? Et aussi, ben, vous avez le jeu, bien sûr. Je tourne autour hein, pour garder le punch pour la fin. Et vous avez une superbe, je dis bien superbe, figurine de 25 cm de haut avec Wonder Woman et Batman qui se battent. Et je vous dirais 14. Littéralement. Elle est vraiment belle. Si vous faites une recherche au Google, vous allez tomber sur le cul. Elle a vraiment, mais vraiment de l'air belle. Et je vous dirais que c'est pas bien compliqué. C'est Batman qui tient à bout de bras Wonder Woman par la gorge puis avec un batarang, puis Wonder Woman qui se prépare à y en sloguer une, puis qui bloque le batarang avec son fouet légendaire. Son lasso doré. Ouais, c'est vrai, c'est un lasso. C'est un lasso. Son lasso doré. Mais je vous dirais que... Ah non, j'ai hâte de voir ça. Allez voir les cinématiques, les trailers, là. Ça va être très brutal. Dans les personnages qui ont été nommés, là, ça, Superman, Batman, Wonder Woman, Nightwing, Catwoman, il va y avoir Cyborg, qui est le Teen Titan. Ouais, là, c'est pour vous donner une idée, parce que pas mal tout le monde dans leur jeunesse ont déjà au moins vu une bande-annonce de Teen Titans. C'est le genre de cyborg noir dans Teen Titan. C'est ça. Puis il y a d'autres personnages. Catwoman. Catwoman, ouais. Harley Quinn. Oui, Harley Quinn va être là. Je suis pas convaincu de la version du jeu, par exemple, là, t'sais, parce que. J'ai pas vu, je me rappelle pas du visuel. Ben, c'est à cause que, t'sais, on se le cachera pas, NetherRealm ont toujours. Les personnages féminins, ça a jamais été leur côté sexy, puis tout ça, c'est généralement. Personnages baraqués, puis ouais. Tout ça, là. À part. Les deux princesses de Mortal Kombat. Kitana, Milana, qui sont. Quasiment en maillot de bain, là. C'est ça. Mais tu sais, je vous dirais que Harley Quinn, dans ce jeu-là, elle ressemble quasiment à Olga, une Suisse du fin fond des Alpes. Tu sais, elle est baraquée, là. Elle a l'air d'une lanceuse de poids de. Des Jeux Olympiques, là. Okay, c'est bon. Je vois le genre. Il n'y a comme pas l'aspect sexy qu'on connaît de Harley Quinn des derniers jeux, puis tout ça. Là. Mais bon, ils l'ont mis comme ça pour. Disons que Catwoman est pas mal plus féminine dans ce jeu-là qu'Harley Quinn. Fait que, disons que j'étais un petit peu déçu de la version. Mais bref. Un jeu qui s'en c'est vient. C'est pas la version finale. Mais c'est un jeu qui s'en vient pour le printemps. Avril 2013. Donc surveillez ça, mesdames et messieurs, dans les annonces qui s'en viennent au courant de. Et profitez-en pour aller précommander, parce que je vous dirais que. Il n'y a pas un prix, je pense. Le prix n'est pas sorti. Non, le prix n'est pas sorti encore, mais normalement, les éditions qui ont des figurines au lancement, il faut s'attendre à peu près 200$, okay. Normalement. Parce que ça, c'est des figurines qui sont généralement sculptées à la main. Là. T'es dans le fond, le moule là, qui a servi a été sculpté pour ça. Et je vous dirais que c'est le rendu final de la figurine aussi haute que l'image que je vois actuellement. Là, ça va être populaire. Puis aussi, en même temps, on fait juste penser à Mortal Kombat, l'édition collectionneur. Avec les books older. Qui était très beau. Ouais. Puis ça aussi, ça s'est vendu vite. Fait que je vous dirais que Injustice. Puis il n'y en avait pas eu beaucoup non plus. Okay. Fait que surveillez ça, amis consommateurs. Amis collectionneurs. Collectionneurs aussi. Autre nouvelle rapide. Écoutez, CD Projekt Red, donc ceux qui ont fait les excellents jeux de Witcher. Il y a des infos qui coulent sur le fait qu'ils sont en train de présenter afin de monter un projet cyberpunk. Très intéressant, ça me semble que ça fait longtemps que je me suis pas mis les dents là, sur un bon jeu cyberpunk, surtout que cette gang-là a fait des excellents jeux. Il y a Dishonored qui s'en vient. Ouais, aussi avec Bethesda, mais CD Projekt Red, là, je les aime bien gros. Avec Witcher, là, ils m'ont vraiment accroché. Puis là, ça s'en vient, ils ont annoncé en fait le 18 octobre 18h à l'heure française, en fait, un événement diffusé sur le site GOG.com qui est un peu leur portail de vente et Facebook. Donc, surveillez ça, il n'y a pas plus de détails. Donc, surveillez ça le 18 octobre pour regarder ça, là, ce qui s'en vient pour un projet cyberpunk pour CD Projekt Red. Autre nouvelle rapide, Bayonetta 3, la version PS3 serait le plus grand échec de Platinum Games. C'est même pas de leur faute. Et non, effectivement, parce que, en tout cas, je prends la nouvelle là, sur le site jeuxvideo.com. Le magazine anglais Edge publie des propos d'Atsushi Inada, l'un des fondateurs du studio Platinum Games. Celui-ci revient sur l'épisode malheureux de la sortie de Bayonetta sur PlayStation 3. En fait, c'est que Platinum Games s'est occupé de la version du développement du jeu sur la version 360, mais a confié le portage sur PS3 à Sega. Là, il y a eu beaucoup. Ça va me faire mal au cœur, qu'est-ce que tu vas dire là? Et oui, et c'est en fait ce qui est l'avis de tous, en fait, c'est que la version PS3 souffrait de nombreux ralentissements et proposait des textures moins fines finalement. Et je cite Monsieur Inada en disant: jusqu'à présent, le plus grand échec de Platinum, celui que je garde en mémoire, est ce portage finalement vers la PS3 de Bayonetta. À l'époque, nous ne savions pas très bien comment développer sur PS3 et savoir aujourd'hui et si nous aurions pu nous occuper de cette version nous-mêmes, n'est pas la question, hein. C'est bizarre, ça, c'est bizarrement traduit. Nous avons pris la décision que nous ne pouvions pas nous en charger. Après coup, je regarde le résultat de ce qui est sorti pour les joueurs, puis je considère que c'est notre plus grand échec. Donc, un peu plate, surtout que ces gars, c'est quand même une bonne compagnie, ils font des bons jeux, mais ce portage-là n'a pas été leur plus grand succès, loin de là. Donc la suite, Bayonetta 2 est annoncée exclusivement sur Wii U pour sa sortie en mars 2013. Un deuxième jeu que je rajoute sur ma liste de « Bon, why I need to buy a Wii U? » Eh oui, donc... Zombie U et Bayonetta 2. Donc on verra avec ce qui s'en vient. En parlant de Wii U, autre nouvelle, donc on nous dit que la Wii U serait loin devant la PS4 et la Xbox 3 en 2014. Donc, selon une étude réalisée par l'Institut IDG, donc la International Media Group, reprise dans le dernier numéro de Multimédia, à La Une, qui est un magazine français, la Wii U dominerait assez nettement le marché en 2014, que ce soit en termes de consoles ou de jeux vendus. Ainsi, IDG, donc l'Institut, prévoit que la machine de Nintendo s'écoule à plus d'un million d'exemplaires cette année-là, soit plus du double de PS4 que la PS4 et de Xbox 3 ou 720 ou... appelez-la comme vous voulez. Next. Toujours la même source, près de 6 millions de jeux Wii U trouveraient preneur en 2014 contre 1,9 million de jeux de Xbox Next et 1,4 de PS4. Des différences assez marquées qui feraient que Nintendo un constructeur très au-dessus de ses deux principaux concurrents. Évidemment, cette étude tient compte du fait que la Wii U sortira en 2012. Bref, je sais pas sur quoi on se base pour sortir des jeux, des chiffres comme ça, à part qu'ils vont sortir peut-être un an ou deux ans avant les autres consoles. Mais en tout cas... Oui, ils pourront jamais atteindre ce nombre-là parce qu'il va y avoir une pénurie. Les usines fourniront pas. Ça va prendre deux ans avant qu'il y ait des Wii U en stock régulier, ces tablettes. Puis Sony puis Microsoft vont avoir le temps de réagir puis sortir une console. C'est le même scénario à chaque fois. Et voilà. Donc on verra ce que ça va donner de ce genre de prévision. Et une dernière nouvelle, mesdames et messieurs, avant de vous quitter... Valve serait ciblé par les consommateurs allemands. En fait, la Fédération des associations de consommateurs allemands a décidé de coller Valve dans son collimateur. Alors, je cite toujours le site jeuxvideo.com. Ce regroupement habitué aux cours de justice nationale et européenne n'apprécie pas beaucoup les conditions d'utilisation de Steam et menace la société de poursuites sur deux points précis. Le premier concerne le changement du contrat de licence de l'utilisateur final. Le fait que personne lit finalement, on fait tout. Oui, je veux downloader mon jeu, je veux downloader Left 4 Dead, dépêche-toi. Donc on passe tout sur OK. Cette licence-là qui est intervenue en nous, qui, si n'est pas accepté par l'utilisateur, bloque l'accès au contenu préférablement acheté sous des termes différents. Donc, si vous avez déjà accès à d'autres termes avant, avec ces nouveaux-là, ben vous pouvez pas accéder à votre matériel que vous avez déjà downloadé, malheureusement. Mais le véritable point de litige, c'est qu'il serait, il était prévisible, c'est l'impossibilité de revendre un contenu acheté sur Steam. C'est vrai qu'on y pense, c'est un peu plate. Or, depuis le mois de juillet, la Cour de justice européenne stipule qu'un auteur de logiciel téléchargé sur Internet ne peut en interdire la revente. Donc, voilà ce qui s'en vient pour genre de voir. On va suivre ça, ce qui va se passer en Allemagne pour Valve. Et oui, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Donc, on s'excuse là, d'être arrivé plus en retard en ondes, malheureusement. Mais on vous assure qu'on va être là la semaine prochaine. Si vous avez un ordinateur à donner... on lance l'invitation. Pas, Donc, je voudrais remercier M. Andrew Castegan qui est à la console, à la mise en onde et aux chroniques. M. Castegan, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, toujours un plaisir, en espérant que la semaine prochaine, on soit à l'heure. Merci, Andrew. Et mon nom à moi, c'est Michael Michaud, toujours content d'être là pour animer l'émission et vous donner mes commentaires sur l'univers du jeu et les univers geeks. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez chercher nos émissions toutes les semaines. On les envoie sur les internets. Allez sur le site de ckiafm.org pour la carte de membre et allez aussi vous renseigner sur les shows bénéfices qui s'en viennent pour et le radioton également de ckiafm. Et en terminant, je voudrais vous inviter à rester en onde pour écouter le cirque aquatique magique de monsieur François G. Couillard, fondateur Grand Manitou de Puissance Maximale, qui va vous en mettre plein les oreilles. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente semaine de jeu. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb.